Charlemagne, Carolus Magnus, Charles Ier, était roi des Francs, fils de Pépin le Bref, fils de Charles Martel, fondateur de la dynastie des Carolingiens. Turpin, l'archevêque de Reims, étant à Vienne en Dauphiné, France, après avoir célébré la messe dans ma chapelle, j'étais à dire mes heures et avait commencé, « Dieu vient à mon aide, Yéva Dieu, à toi de me délivrer, à toi de me secourir, qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'il recule et rougisse ceux qui désirent ma perte, qu'il retourne en arrière par l'effet de leur honte ceux qui disent, ah, ah. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, à toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur, Yéva, ne tarde pas. Mon attention fut attirée vers mes fenêtres lorsque j'entendis de grands bruits, des clameurs du passage d'une troupe en marche. J'ouvris la verrière pour voir qui faisait ce tumulte et je vis une légion de démons, si nombreux qu'il fut impossible de compter. Bien qu'allant à grands pas, je remarquai un petit démon d'aspect effrayant, qu'une première bande précédait. Il marchait en tête de la seconde, qui s'élançait à quelques pas de distance à sa suite. Au nom du Créateur, je le conjurai par la foi chrétienne, en Jésus-Christ, de me dire sur le champ où il allait avec ses troupes. Nous allons nous saisir de l'âme de Charlemagne qui sort de ce monde en ce moment même. Allez. Et par le même ordre que je vous ai déjà donné, lui dis-je, je vous adjure de repasser ici me rapporter ce que vous aurez fait. Dès qu'il disparut avec les siens, je me mis à réciter le premier psaume de tierce. Rendez grâce à Yéva, car il est bon, éternel est son amour. Oui qu'Israël le dise, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent Yéva, éternel est son amour. À peine terminé, j'entendis revenir le vacarme de ces démons. Et de la même fenêtre, je les vis tristes et abattus, et demanda au même, quel avait été le résultat de leur course. Il répondit, mauvais. À peine sommes-nous arrivés au rendez-vous assigné que l'archange Michael vint vers nous avec ses phalanges, ou bataillons. Nous étions en mesure de saisir l'âme de Charles, mais deux hommes sans tête, Saint Jacques de Galice, Espagne, et Saint Denis de France, patron de l'Empire des Francs, se sont présentés à l'heure de la mort de Charlemagne. Ils mirent sur la balance toutes les bonnes œuvres du prince qui venait de trépasser, en y joignant tout ce qu'il avait bâti, églises, abbayes, et autres pieux monuments, et ce dont il les avait dotés en ornements et accessoires de culte. Nous n'avons pu rassembler assez de péchés pour lever l'autre plateau. Les phalanges de Michael aggravèrent notre déboire. Ravis de notre confusion, ils nous ont vivement flagellés, dans la joie de nous enlever l'âme du monarque. Par le poids de ses bonnes œuvres, par la protection des saints qu'il a révérés et servis dans sa vie, moi Turpin, fus assuré que l'âme de mon maître le prince, fut enlevée au ciel entre les mains des anges bénis. Je fis aussitôt venir mes clercs et ordonnai de faire sonner toutes les cloches de la ville. Je fis dire des messes, distribuait des aumônes aux pauvres. Enfin, je fis prier pour l'âme de Charlemagne, dans l'espérance fondée d'alléger son purgatoire. Je témoignais aussi d'être assuré de la mort de l'empereur. 10 jours après, un courrier reçu m'en apporta tous les détails, et j'appris que le monarque fut enseveli dans l'église qu'il fonda à Aix-la-Chapelle, Allemagne, puis transféré à la basilique Saint-Denis, France.